FrenchPod.com. Allez, allez, mes petites dames, venez par ici, les plus beaux légumes, les plus beaux fruits du marché. Vous avez des champignons, s'il vous plaît? Oui, madame. Combien ça coûte? Pour vous, 5 euros.